Chapitre 4. Florence Burton. La fête de Noël approchait. Ce n'était pas la Noël qui suivit immédiatement le mariage de Lord Ongar, mais la fête suivante, et Harry Clavering avait achevé ses études préparatoires à Stratton dans les bureaux de M. Burton. Il pouvait se flatter d'avoir été laborieux pendant cette année. Il allait bientôt commencer son apprentissage plus sérieux dans les bureaux du Grand Bailey à Londres, avec des espérances qui étaient encore assez rassurantes, bien que moins brillantes qu'elles ne l'avaient été au début. En voyant pour la première fois M. Burton dans son bureau, en apercevant les casiers poudreux, pleins de papiers plus poudreux encore, au premier aspect des réalités du commerce dans la boutique de cet homme d'affaires, il avait éprouvé un sentiment de dégoût. Le dîner à 1 heure chez Mrs. Burton, la figure et les manières communes de Florence Burton, l'avait désenchanté. Ce jour-là, il s'était repenti d'être venu à Stratton, mais néanmoins il s'était tenu à sa résolution comme un homme de cœur, et au moment où nous le retrouvons, il s'applaudissait de l'avoir fait. Il s'en félicitait, bien qu'il eût un peu rabattu de ses espérances et qu'il entrevrît l'avenir sous des couleurs moins brillantes qu'autrefois. Il devait partir pour Clavering le lendemain matin, avec l'intention de passer Noël dans sa famille, et nous allons l'entendre faisant ses adieux à l'un des membres de la famille Burton. Il était assis dans un petit salon retiré chez M. Burton, et sur la table du milieu brûlait une seule bougie. C'était une pièce triste, sombre, aux panneaux noirs, avec des chaises en crin, un vieux canapé pareil à de lourds rideaux fanés. Assurément, la pièce ne prétendait pas à l'élégance et ne renfermait rien qui indiquât la richesse. Il était environ 7 heures du soir, et l'on avait déjà pris le thé chez Mrs. Burton. Harry Clavering avait pris son thé, avait mangé son gâteau bien chaud au bout de la table, le plus éloigné du feu, avec la famille. Florence le versait le thé dans sa tasse, pendant que Mrs. Burton se tenait assise près du feu d'un côté avec un mouchoir de poche sur ses genoux, et que M. Burton s'était mis à son aise dans son fauteuil et ses pantoufles de l'autre côté de la cheminée. Le thé fini, Harry avait fait ses adieux à Mrs. Burton, l'avait embrassée et lui avait dit les mots d'usage « Que Dieu vous bénisse !»« Je désire vous parler un moment dans mon cabinet, avant votre départ, Harry, » lui avait dit M. Burton. Puis Harry était descendu à l'étage inférieur et une autre personne était descendue hardiment avec lui et tous les deux se trouvaient assis dans le sombre petit salon. Mon lecteur devine de reste ce qu'était devenu le chagrin de Harry Clavering. Chagrin qui devait être éternel. Lui et Florence étaient assis ensemble sur le vieux canapé de crin, et la main de Florence était dans la sienne. « Ma mignonne, lui disait-il, comment vais-je faire pour vivre loin de vous pendant ces 2 ans ?»« Vous voulez dire 5 ans, Harry ?»« Non, je veux dire 2 ans. »« C'est-à-dire 2 ans, si je ne puis abréger ce délai. »« Vous aimeriez mieux, il me semble, qu'il fût de 10 ans. »« Assurément. J'aimerais mieux attendre 10 ans. » que de perdre toute espérance. Il va sans dire que nous nous verrons de temps en temps. Ce n'est pas comme si vous alliez dans la Nouvelle-Zélande. Je l'aimerais mieux aussi, car alors je me résignerais plus volontiers à la nécessité de ce maudit retard. Harry, que dites-vous? Oui, maudit retard. La prudence du monde me semble de nos jours plus odieuse que toutes les autres injustices. Mais Harry, nous n'aurions pas de quoi vivre. Ce sont là des mots qui me font mal à entendre. Voilà que vous montez sur vos grands chevaux, et vous savez que je n'aime pas cela. Pour vous dire la vérité, je ne tiens pas à quitter la maison de mon père, où je suis certaine d'avoir le vivre et le couvert, avant de les avoir trouvés aussi assurés dans une autre demeure. C'est pour me taquiner que vous dites cela, Florence. Pouvez-vous penser, Harry, que je veuille vous taquiner le dernier soir que vous passez ici? La vérité est que je vous aime assez pour être capable de vous attendre patiemment encore longtemps. Je hais la patience et je l'ai toujours haïe. C'est un des pires défauts que je connaisse. La patience ne vaut guère mieux à mes yeux que l'humilité. Si vous venez me dire, en outre, que vous êtes contente, vous serez à mes yeux la dernière des créatures humaines. Mais oui, je suis contente, assurément. Et vous, monsieur, n'êtes-vous pas content de moi? Non, parce que vous n'êtes pas aussi pressé de vous marier. Voilà ce qui est bien sot de votre part, monsieur. Savez-vous quel est mon avis? Je suis convaincu que lorsqu'on aime réellement quelqu'un et qu'on a confiance en lui, comme j'ai confiance en vous, la perspective et l'attente du mariage sont ce qu'il y a de plus agréable. J'ai lieu de croire que vous serez heureux de recevoir mes lettres à présent, mais je doute fort qu'elles vous fassent grand plaisir, comme nous aurons été mariés pendant 10 ans. Mais on ne peut pas vivre de lettres. Je veux que vous viviez des miennes. Mais chut, j'entends les pas de mon père sur l'escalier. Il vous a dit d'aller le trouver. Adieu, Harry. Très cher Harry, béni soit le ciel qui vous a envoyé ici. Encore un moment. Je viendrai vous chercher la veille de Pâques pour vous emmener à Clavering. N'en faites rien. Pourquoi vous donner tant de peine et faire cette dépense? Je vous dis que je vais venir, à moins qu'il ne vous déplaise de voyager avec moi. Je serai enchanté. Et puis je serai bien aise de vous sentir à côté de moi, lorsque je verrai votre famille pour la première fois. Quelle épreuve ce sera pour moi lorsque je me présenterai devant votre père. C'est le meilleur homme qu'il y ait dans toute l'Angleterre. Oui, mais il me trouvera si commune. Vous le savez, ce fut là votre première impression. Mais il n'aura pas l'impolitesse de me le dire, comme vous l'avez fait. Votre sœur Marie doit se marier dans la semaine de Pâques, n'est-ce pas? Oh, comme je vais être embarrassé au milieu de tous vos parents. Pourquoi cela? Mais vous n'êtes pas timide. Je ne crois pas vous avoir vu déconcerté une seule fois. Il faut que je vous mette à la porte, car papa vous attend. Croyez-moi, mon cher et bien-aimé Harry, quoique je vous ai parlé de ma patience, je compterai les heures et les minutes en attendant que vous veniez me chercher, mon chéri. » Alors, sans lui opposer de résistance, elle le laissa la presser sur son cœur, baiser ses lèvres, son front et ses cheveux lustrés. Quand il fut sorti, elle resta seule assise pendant quelques minutes sur le vieux canapé, savourant la pensée de son bonheur et bénissant l'heureux hasard qui lui avait envoyé un si digne objet de son amour. « Je crois que c'est un bon jeune homme, » dit Mrs. Burton, quand Harry lui laissait seul avec son mari. « Oui, un bon jeune homme, plein de bonnes intentions. Il est laborieux, n'est-ce pas ? Oui, suffisamment. Il est intelligent aussi, trop peut-être, j'en ai peur. Car il ne fait pas assez de cas des difficultés, mais je crois qu'il fera son chemin. Comme il s'était pris de notre Florence, c'est bien naturel, n'est-ce pas ? Chacun de nos apprentis nous a emmené une de nos filles, et tous ont bien réussi. Mon Dieu ! Comme la maison sera triste après le départ de Florence. C'est vrai, je la regretterai autant que vous, mais ce n'est pas une raison pour vouloir la garder à la maison. Non, assurément. Je serais honteuse si j'avais une fille qui ne fût pas mariée, ou sur le point de l'être avant l'âge de 20 ans. Cela m'attristerait de voir que pas un jeune homme n'éprouve de l'amour pour ma fille. Mais Florence n'a pas 20 ans encore, et Charlotte, qui s'est mariée plus tard que ses sœurs, avait moins de 24 ans. Lorsqu'elle a épousé Scarness. Là-dessus, la vieille dame porta son mouchoir à ses yeux et laissa couler quelques larmes silencieuses. « Allons donc, Florence n'est pas encore partie, » dit M. Burton. « J'espère, M. Burton, qu'ils ne resteront pas fiancés trop longtemps. Je n'aime pas ces engagements à long terme. Cela ne vaut rien pour les jeunes filles. Vous devez vous rappeler que le nôtre a duré 7 ans. C'est vrai, mais les gens n'étaient pas alors aussi pressés en toutes choses qu'ils le sont à présent. Puis, je vous avoue, que je n'en étais pas plus heureuse. En outre, bien que nous ne fussions pas mariés, nous demeurions porte à porte et nous pouvions nous voir tous les jours. Mais que deviendra ma pauvre Florence si elle demeure ici et lui à Londres, y menant joyeuse vie? Eh bien, Florence attendra comme les autres, dit le père en se levant de son fauteuil. J'ai lieu de croire que Clavering est un bon jeune homme, reprit la mère avec insistance. N'exigez pas qu'ils aient un gros revenu pour entrer en ménage. Qu'est-ce que cela peut y faire? S'ils étaient un peu à court, vous pourriez les aider, n'est-ce pas? M. Burton ne jugea pas à propos de répondre à l'insinuation contenue dans ces derniers mots, et d'un pas pesant, il se dirigea vers son bureau. « Eh bien, Harry, » dit M. Burton, « vous partez demain matin ?»« Oui, monsieur, j'espère déjeuner chez nous demain. »« Ah, quand j'étais jeune, j'aimais à me mettre de bonne heure en route. 3 heures de marche avant déjeuner ne font pas de mal. Mais il n'en faut pas faire davantage, sinon l'air vous creuse l'estomac. » Harry n'avait pas de réponse à faire à cette observation, et il laissa M. Burton continuer. Vous serez à Londres vers le 10 du mois prochain. Oui, monsieur, et dès le 11, je compte entrer dans les bureaux de M. Bailey. Voilà qui est bien. Ne perdez jamais le temps. En perdant un jour maintenant, vous ne perdez pas le gain d'une journée d'à présent, mais ce que vous pourriez gagner quand vous serez en pleine prospérité. Un jeune homme doit toujours apprécier le prix du temps. Vous ne pouvez pas sauter un seul échelon, mais il faut les gravir de façon à atteindre au sommet le plus tôt possible. Vous verrez, monsieur, que je ferai mon devoir. Je n'ai pas l'intention de rester sans rien faire. Je le pense bien ainsi. Naturellement, je ne vous parle pas comme quelqu'un qui quitterait pour toujours mon bureau. Ce que je pourrais donner à Florence sera très peu de choses, c'est-à-dire relativement une faible somme. Elle aura en se mariant 100 livres sterling de rente jusqu'à ma mort. Après ma mort et celle de sa mère, elle partagera avec les autres ce que nous laisserons. Mais 100 livres par an ne serait rien pour vous. C'est vous qui le dites, monsieur, mais je regarde 100 livres comme une jolie somme. J'en aurai 150 dans mon bureau, et avec cela je n'hésiterai pas à me marier dès demain. Vous ne pourriez pas vivre avec cela, à moins de modifier vos habitudes. Eh bien, je le ferai. Nous verrons. Mais je vous conseille de remettre la chose à 2 années encore. Moi, je crois que mon mariage contribuerait plus que toute autre chose à me faire travailler. Attendez au moins 1 année pour voir. Il est donc entendu que Florence ira chez votre père à Pâques. Oui, monsieur, elle a eu la bonté de me promettre de venir avec votre consentement. Il est assez bon, je crois, qu'ils la connaissent de bonne heure. J'espère qu'ils s'attacheront à elle autant que nous nous sommes attachés à vous. Maintenant, bonsoir et adieu. Harry se retira, et tout en arpentant la grande rue de Stratton, il passait en revue tous les événements de l'année qui venaient de s'écouler. Lorsqu'il était venu à Stratton, la plaie que lui avait faite au cœur la ruine de ses espérances était encore saignante et douloureuse. Il avait donné toutes ses affections à une femme perfide qu'il avait trahie. Le jour du mariage de Julie, il s'était renfermé dans sa chambre de collège et il se disait à lui-même qu'il avait passé là des heures d'indicibles tortures. Sans doute il avait souffert car il avait aimé Julie. Mais de telles douleurs sont rarement éternelles et elles devaient s'apaiser en lui aussi facilement que chez d'autres. Une année venait de s'écouler et déjà il était fiancé à une autre. En faisant ses réflexions, il ne s'accusait ni de faiblesse de cœur ni d'inconstance. Il lui semblait parfaitement naturel d'aimer Florence Burton. Autrefois, il ne la connaissait pas, et il n'avait jamais sérieusement songé aux qualités qu'un homme doit chercher dans sa femme. Tout en poursuivant sa route, en emportant le dernier baiser de cette jeune fille tendre, modeste et affectueuse, il se disait que son mariage avec une femme telle que Julie Brabazon eût été fatal à son bonheur. Des faits s'étaient passés et des bruits lui étaient parvenus qui le confirmaient dans cette opinion. C'était un fait connu de tous les Clavering et de tous ceux qui s'intéressaient à cette affaire que Lord et Lady Ongar étaient bien loin d'être heureux ensemble. Et déjà on avait dit tout bas que la conduite de Lady Ongar avait prêté le flanc à la critique. Il y avait un certain comte dont le nom avait été accouplé au sien d'une façon fort regrettable. Sir Hughes Clavering avait dit en présence de Mrs. Clavering qu'il ne voulait pas prendre fait et cause pour sa belle-sœur. Comme elle avait fait son lit, elle se coucherait. Elle connaissait Lord Ongar avant de l'épouser. Elle ne devait s'en prendre qu'à elle-même si elle n'était pas heureuse. Sir Hughes avait dit tout cela, et en le disant, il avait accentué ses paroles de façon à compromettre à jamais la réputation de sa belle-sœur. Harry Clavering, bien qu'il eût peu vécu dans le monde depuis 1 an, savait que d'autres personnes s'exprimaient fort différemment. Le comte et sa femme étaient absents de l'Angleterre depuis leur mariage, de sorte que ces bruits étaient arrivés dans la famille par des intermédiaires étrangers. Les deux époux avaient passé la plus grande partie de leur temps en Italie, et à ce moment ils étaient à Florence. On avait dit que Lord Ongar songeait à intenter un procès en divorce, mais Harry en doutait, puisque les deux époux vivaient encore sous le même toit. Un peu plus tard, on sut que Lord Ongar était malade. Et alors les gens se mirent à chuchoter, à murmurer à voix basse des insinuations malveillantes et exprimer de sombres appréhensions comme si de grands malheurs devaient arriver. Harry ne pouvait pas s'empêcher de se dire que si Julie avait été sa femme, comme elle le lui avait un jour promis, ses soupçons et ses propos médisants ne se seraient jamais produits. Cela, néanmoins, ne lui faisait pas regretter qu'elle n'eût pas tenu ses serments. Pendant son séjour à Stratton, il en était arrivé à apprécier les joies tranquilles de la vie domestique et à croire que Florence était la femme qui lui convenait beaucoup mieux que Julie Brabazon. Il s'estimait heureux d'avoir fait cette découverte et sage d'agir en conséquence. En fait, sa sagesse avait consisté à reconnaître que Florence était une jeune fille aimable, intelligente, ayant l'esprit droit, des goûts relevés et pleine de cœur. Et tout naturellement, il en était devenu amoureux. Son prétendu goût pour les joies paisibles du foyer domestique était né de son amour et n'y avait pas donné naissance. Florence avait les yeux brillants et vifs. Noyés de larmes ou animés par un sourire, ils avaient un éclat merveilleux. Et quand il se mettait à la considérer attentivement, il trouvait qu'il avait dû être insensé pour la trouver commune. Il y a des choses qui deviennent belles à mesure qu'on les regarde. Merveilleusement belles. Et vous êtes une de ces choses-là, lui disait-il un jour. Et il y a des hommes qui deviennent flatteurs, lui répondit-elle, flatteurs sans vergogne lorsqu'on les écoute, et vous êtes un de ces hommes. Pardon, je vous ai trouvé commune la première fois que je vous vis, ce n'est pas là une flatterie. Si, monsieur, vous avez l'intention d'être flatteur, mais après tout, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement, vous avez appris à m'aimer. Harry repassait tout cela dans sa mémoire au milieu de la grande rue de Stratton, et il se disait une fois de plus que Florence était charmante. C'était une découverte qu'il avait faite, et il en était presque fier. Mais il redoutait un peu l'appréciation de son père. Il se disait que peut-être son père jugerait Florence comme il l'avait jugée, lui, la première fois, et qu'il ne reviendrait pas aussi promptement que lui de sa première impression. Heureusement, Florence ne devait pas aller tout de suite à Clavering, et il aurait le temps de la dépeindre à sa manière. Il n'avait pas été chez lui depuis qu'il avait conclu avec Florence, mais il avait fait connaître par lettre sa détermination, et sa mère avait écrit à la jeune fille pour l'inviter à venir à Clavering. Harry, à son arrivée, reçut les félicitations de toute sa famille. « Je suis enchanté de vous voir vous marier de bonne heure, » lui dit tout bas Mrs. Clavering. « Mais je ne suis pas encore marié, mère, » répondit Harry. « Faites-moi voir une mèche de ses cheveux, » dit Fanny en souriant. « Elle a de bien plus hauts cheveux que vous, quoique ne soit pas à moitié aussi fière de sa chevelure que vous l'êtes de la vôtre, » dit Harry en pinçant légèrement le bras de sa sœur. « Eh bien, faites-la-moi voir. » « Je suis enchanté de penser qu'elle sera ici pour mon mariage, » dit Marie, « parce que d'Edouard fera sa connaissance. Il sera bien aise de la voir. »« Edouard aura d'autres pensées en tête et fera peu d'attention à elle, » dit Harry. « Je vois avec plaisir, » reprit son père, « que vous suivez les bonnes traditions et que vous imitez les bons apprentis. On épouse la fille de son patron et puis on devient maire de Londres. » Harry n'avait pas envisagé sa démarche à ce point de vue. Tous les autres jeunes gens qui étaient entrés chez M. Burton avaient épousé une de ses filles, ou du moins un assez grand nombre d'entre eux étaient devenus ses gendres pour faire dire aux gens de Stratton qu'ils étaient tous tombés dans le même trébuchet. On disait que les Burton, chargés de 5 filles, avaient bien su les placer, et ces remarques étaient arrivées aux oreilles de Harry. Il aurait souhaité que sa situation eût un peu moins de précédent, mais il n'était pas assez insensé pour se tourmenter à ce sujet. « Je ne compte guère, » dit-il à son père, « devenir un jour Lord Maire de Londres. Je ne suis pas trop sur le chemin de cette dignité. » Puis il détourna la conversation. « Je suis sûr que nous la trouverons aimable, » dit Fanny. « Je sais d'avance que nous aimerons une personne choisie par Harry, » reprit Mrs. Clavering. « J'espère qu'Edouard la trouvera aimable, » ajouta Marie à son tour. « Marie, » lui dit sa sœur aînée, « je voudrais que vous fussiez mariée une fois pour toutes. Alors au moins vous aurez de nouveau une volonté et des goûts à vous. À présent il semble que vous ne soyez que l'écho d'un autre. Attendez votre tour, ma chère, dit la mère, et vous verrez ce qu'il en est. » Harry était arrivé le samedi, et la fête de Noël se trouvait être le lundi suivant. On lui dit que Lady Clavering était chez elle, et que Sir Hughes, lui aussi, avait été dernièrement à Clavering Park. Excepté les domestiques, on n'avait vu personne de la maison à l'église le dimanche et le lundi. « Mais cela ne prouve rien, » dit le recteur d'un ton de mauvaise humeur. « Hugues vient rarement à l'église, et quand il y va, il ferait mieux de s'absenter. Je crois qu'il prend plaisir à m'insulter par sa mauvaise tenue. On dit que sa femme est malade, et vraiment, tout ce qu'on dit au sujet de sa sœur doit la rendre malheureuse. À votre place, j'irai lui rendre visite. Vous verrez qu'il est parti pour aller chasser quelque part. » Le groom sortait avec 3 chevaux dimanche dans l'après-midi. Il fait exprès de les faire sortir par le chemin de l'église quand nous sortons de l'office. Harry alla donc trouver Lady Clavering qui était à la maison. Elle lui parut vieille et usée, mais enchantée de le voir. De toute la famille du recteur, Harry était le seul qui eût su se faire aimer dans la grande maison depuis le mariage de Sir Hughes, et il ne tenait qu'à lui d'y trouver quand il le voulait un bienveillant accueil. Mais comme il l'avait dit un jour à Julie Brabazon, s'il allait chasser dans le parc, on le regardera un peu comme une sorte de premier garde-chasse, et ce rôle ne lui allait pas. Il ne pouvait lui convenir de boire les vins fins de Sir Hughes et de s'entendre dire « Voulez-vous tirer la sonnette ?» ou « Voulez-vous aller à l'écurie voir ceci ou cela ?» Agrégé de l'université, il se croyait un aussi grand personnage que Sir Hughes. Il ne voulait pas être un des familiers de la maison, et en outre, il nourrissait contre son cousin au moins autant d'aversion que son père. Mais entre Lady Clavering et lui, il y avait toujours eu une espèce d'amitié, un échange fréquent de confidences, et il s'en croyait véritablement aimé. Lady Clavering savait qu'il était fiancé, et en félicita. « Qui donc vous l'a appris ?» lui demanda-t-il. « Est-ce ma mère ?»« Non, il y a presque un siècle que je n'ai vu votre mère. C'est ma femme de chambre qui me l'a dit. Bien que nous ne voyons pas beaucoup votre famille au presbytère, nos domestiques et les vôtres ont des rapports plus fréquents. Je suis sûr que votre fiancée est aimable, Harry, ou vous ne l'auriez pas choisie. J'aime à croire qu'elle a quelque argent. Oui, je la trouve aimable. Elle viendra ici à Pâques. Ah, je le regrette, nous serons absents alors. Et en fait de fortune ? Elle aura quelque chose, mais bien peu, 100 livres par an. Oh, Harry, voilà qui est insensé de votre part. Les frères cadets doivent toujours chercher des femmes riches, et vous savez que vous êtes dans la position d'un frère cadet. J'ai l'intention de gagner ma vie moi-même. Ce n'est pas très aristocratique, mais après tout, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. J'admets que vous voulez gagner votre pain vous-même, mais une femme avec une riche dot ne vous empêchera pas de le faire. Une jeune fille qui vous apporte de l'argent n'en vaut pas moins pour cela. Malgré tout, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'ai voulu dire qu'il me paraît préférable que la fortune vienne du mari. Assurément. Je devrais bien être de votre avis, puisque ma sœur et moi, nous n'avons jamais rien eu. Elle se tut un moment et reprit. « Vous avez entendu parler de Lord Ongar ?»« J'ai entendu dire qu'il est très malade. »« Très malade. » Il n'y avait plus d'espoir quand Julie m'écrivit la dernière fois. Mais elle ne m'écrit plus maintenant. « Je regrette que les choses aillent si mal, » dit Harry, ne sachant trop quelle remarque faire. « Quant à Julie, je ne sais trop si ce n'est pas un bonheur pour elle. Il peut paraître cruel de parler ainsi, mais naturellement c'est elle qui me préoccupe le plus. » Vous avez peut-être entendu dire qu'ils n'ont pas été heureux. Oui, j'en ai entendu parler. C'est assez naturel. Du reste, à quoi bon feindre avec vous? Vous savez ce qu'on dit d'elle. Je ne l'ai jamais cru. Vous l'avez toujours aimée, Harry. Oh, je me rappelle encore quel tourment cela me causait et quelle était ma frayeur que Hugues ne vint s'en apercevoir. Elle ne pouvait vous convenir. Franchement, Harry, qu'en dites-vous? Elle a trouvé un bien meilleur parti, dit Harry. Si vous avez en disant cela une intention ironique, vous ne devriez pas parler ainsi en ce moment. Si son mari meurt, elle sera riche, cela va sans dire. Et à la longue, on oubliera tout ce qui a été dit contre elle, et elle pourra vivre en paix. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'elle n'a peur de rien. Mais vous parlez d'elle comme si vous croyiez qu'elle a des torts. Je crois qu'elle a été imprudente, mais je ne crois rien de plus. Mais qui peut dire où finit l'imprudence, où commence le tort réel? Je suis convaincu qu'elle était trop fière pour se compromettre sérieusement. Ensuite, avec un homme comme celui-ci, si difficile, au caractère si détestable, Sir Hughes pense... Au même instant, la porte s'ouvrit et Sir Hughes entra. « Eh bien, qu'est-ce que Sir Hughes pense » dit-il. « Nous parlions de Lord Ongar, » dit Harry, se levant pour serrer la main à son cousin. « Dans ce cas, Harry, vous parliez d'un sujet que je n'aime pas, en entendant discuter dans cette maison. » « Entendez-vous, Hermione, je ne veux pas qu'on parle ici de Lord Ongar ni de sa femme. Nous savons peu de choses à leur sujet, et le peu que nous en entendons dire est tout simplement désagréable. »« Voulez-vous dîner avec nous, Harry ?»« Non, merci, je ne fais que d'arriver chez nous. »« Et moi, je vais partir. »« C'est-à-dire, je m'en vais demain. »« Je ne puis supporter ce lieu-ci. »« Je crois que c'est le plus triste endroit qu'on puisse trouver en Angleterre et la plus sombre demeure que j'ai jamais vue. » Hermione, au contraire, s'y trouve bien. Lady Clavering ne dit rien pour confirmer cette dernière assertion, mais elle se garda bien aussi de la contredire.